Sigo, à plus tard, man. Merci bien. À plus tard. Double basse. Deux basses pour le prix d'une. Putain, deux basses sur la même guitare. Merci toi aussi.